I huset blir så hastigt många säger. Maintenant que la troisième guerre va commencer, il est grand temps de s'amuser. Collabo, papa, résistant.